Bonjour à tous depuis la Villa Manihuales, qui se situe un peu plus au nord de Coyhaique, qui est la capitale de la Patagonie sicilienne. Ici c'est un petit village tranquille, on est actuellement sur la place, on a du soleil, donc on est content parce que ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu. On a eu beaucoup de pluie ces derniers temps, heureusement on n'en souffre pas trop grâce au parapluie magique de Viviane, que vous verrez sur les photos et qui nous permet de rester à peu près sec jusqu'à la nuit. On est actuellement chez Jorge, qui ici on pensait arriver au camping de la CONAF comme on fait d'habitude, là où il y a des réserves. Et finalement les douches et les WC ne sont pas disponibles, donc on est allé voir un autre contact qu'on nous avait donné. Parmi les nombreux cyclistes qu'on croise, certains s'arrêtent pour nous parler. Et donc avant-hier, c'était un Canadien et une Allemande qui nous ont interpellés, qui nous ont donné le contact de Jorge et de la Casa de los Cyclistes, la maison des cyclistes. Et Jorge, quelqu'un tout à fait extraordinaire, qui a eu une initiative aussi insolite d'ouvrir une partie de sa maison aux cyclistes en tout genre et aussi aux marcheurs que nous sommes, même si on n'a pas de roue, on fait partie des nomades de la route australe, des grandes migrations de l'été. Donc il permet de rester gratuitement dans une pièce qu'il a qui jouxte la maison, où il y a quelques lits. Et de quoi cuisiner, une douche, la lumière, et tout selon un cycliste ou un marcheur mouillé depuis plusieurs jours a besoin pour se réconforter ou reprendre de l'énergie pour poursuivre le chemin. Et Jorge, juste à côté, il a son bureau, parce qu'il est comptable, il travaille à côté, et il me disait que c'était pas forcément facile en été, parce qu'il y a toujours quasiment tous les jours des personnes, et donc c'est une grande distraction pour lui d'écouter les différentes histoires et aventures de toutes les personnes qui passent chez lui. Et il y en a de tous les genres. Là, il y a 5 minutes, c'est un Français qui vient d'arriver et qui sur un vélo couché. Donc c'est un peu comme un transat sur roue, avec les pédales à l'avant. Et ce matin, c'est deux Américains qui ont passé cette nuit, qui sont partis poursuivre leur route vers le sud. Et donc petit à petit, cet endroit se fait sa renommée parmi les cyclistes. Et sûrement que d'ici quelques années, ce sera un passage inévitable pour les cyclistes de la route. Voilà, vous verrez des photos, de belles photos de montagnes, de glaciers, de forêts, des forêts qu'on a traversées. La route est maintenant un peu plus sauvage, hein, c'est ce qu'on attendait, même si on trouve régulièrement encore des maisons, mais plus distantes. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de pouvoir compter avec un toit, ne serait-ce qu'un hangar où ce que les gens peuvent nous donner. Donc en général, si on trouve une maison au moment où on a besoin de camper, on demande et en général on est bien reçu. Et déjà avoir un toit au-dessus de la tête quand il pleut, c'est vraiment réconfortant et on en profite grandement. On a fait un petit détour, vous verrez, c'est un chapitre qui s'appelle Desvio a Puerto Laumarine. Un petit détour vers l'océan Pacifique. On est revenu sur nos pas en stop, puis on s'est dirigé vers Puerto Raúl Marín, qui se trouve donc sur l'océan, et en face duquel on a deux amis qui étaient voisins de Santiago, qui administrent une réserve qui appartient à un Américain. Et donc leur principal travail, c'est de la conservation du lieu et de la nature qui y existe. Donc grâce à eux, on a pu aller voir des dauphins. C'est un lieu aussi où on voit des baleines. Nous, on n'en a pas vu. On en a vu Seulement au loin, disons le quand elle souffle leur jet, grand jet de vapeur. On a passé quelques jours là à partager des bons moments avec eux, et puis ensuite on a pris un bateau qui nous a ramené à Puerto Cisnes, en passant par les canaux de la Patagonie. Donc c'est des bras de mer qui sont isolés par des îles de l'océan, de la mer ouverte. Et donc là, le bateau faisait des arrêts dans différents petits ports. Vous verrez par exemple Bahia Domingo, Melimoy, ou un port qui était très joli qui s'appelle Portugal, et qui sont des localités qui sont connectées, qui sont pas connectées au continent par un chemin, seulement dépendent pour les marchandises et le transport des personnes de ce bateau-là qui passe une fois par semaine. Ça nous a amené finalement à Puerto Cisnes, et ensuite de là on retournait au croisement avec la route, et de là on a repris notre marche en direction de là où on est maintenant. Donc après un passage vraiment très humide avec beaucoup beaucoup de forêt, maintenant on retrouve une végétation beaucoup plus basse et un paysage plus sec, et énormément de ce qu'on voit autour de la route, c'est énormément de vestiges de forêts brûlées, des troncs gris encore debout ou couchés au sol, et qui témoignent des grands incendies qu'il y a eu au moment de la colonisation. C'était une des techniques pour nettoyer un peu la forêt qui était omniprésente ici, et ouvrir des espaces pour mettre du bétail ensuite. Et souvent, le feu s'échappait des mains des colons, et il n'y avait plus moyen de l'arrêter. On raconte que pour la fondation de Coyhaique, il y a eu un incendie qui a duré pendant plus de 3 ans. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit au bord de la route. On fait des belles rencontres aussi. Donc on est content. Pour l'instant, on n'a pas l'impression de souffrir encore. On s'attendait peut-être à quelque chose de plus difficile. Ça nous attendra sûrement au sud, plus au sud. Et voilà, on vous invite à voir les photos qui vont avec ce petit commentaire. Et ici à Manizales, j'ai oublié de dire ça, donc la principale source de travail, c'est une mine qui s'appelle Mine El Toqui, qui se trouve à peu près à 20 km d'ici. Une mine d'or, de zinc et d'argent, qui donne le travail à peu près à une grande partie de la population. Et le tourisme qui débute petit à petit. En proportion moindre, la pisciculture aussi, des saumons, des jeunes saumons, donc dans l'eau douce, qui sont ensuite transportés en camion, des camions qu'on croise régulièrement avec des conteneurs blancs et des bouteilles d'oxygène qui diffusent de l'oxygène pendant tout le transport aux poissons, et qui sont ensuite emmenés dans des centres de culture offshore, dans la mer. Comme vous pouvez voir, il me semble qu'il y a une photo de Puyuapi, où on voit ces espèces de bassins qui sont en pleine mer, des filets dans lesquels sont piégés les poissons, lesquels ils ne peuvent pas sortir, et dans lesquels on leur donne l'aliment, etc., qui sont pas forcément très, très écologiques, puisqu'on les aliments et les médicaments sont jetés directement dans la mer. Voilà. Et nos amis de Aniwe, de la réserve, et sont en constante lutte avec les entreprises de culture de saumon qui essayent de s'installer un peu partout. Donc ils essayent de lutter pour éviter que d'autres entreprises, qu'il y en a une qui est déjà en place, viennent s'installer dans la baie où ils habitent. Voilà, on vous invite à à consulter notre blog régulièrement. Comme d'habitude, ça nous fait plaisir d'avoir les commentaires. Et puis, on espère que tout le monde va bien. Et on a des nouvelles de temps en temps, surtout par nos parents, nos familles. Et puis, ben voilà, on vous invite à venir écouter un commentaire dans quelques semaines, quand on aura avancé un peu plus sur notre itinéraire. Voilà, à très bientôt.